jour par hasard, comme une mouche dans le potage. Le sourire enjôleur et la parole rassurante. Égo surdimensionné comme gonflé à l'hélium. Tu n'écoutes rien ni personne sauf tes propres paroles. Plus saoulant qu'une tequila, bien moins tripante qu'un cône de hache. Tu es, tu es, tu es. Tu es, tu es, tu es MDRH. T'as la démarche énergique et les bras qui s'agitent. Ça te donne l'air important comme tous ces brasseurs d'air. Toi ton domaine c'est le fax et les notes de service. Tu nous harcèles un max de tes nombreux coups de fil. Plus saoulante qu'une tequila, bien moins tripante qu'un cône de hache. Tu es, tu es, tu es. Tu es, tu es, tu es des haches. Mais comment pendant toutes ces années on a pu travailler sans toi? Tout comme les frères Dalton, on était sûrement la loi. Plus saoulante qu'une tequila, bien moins tripante qu'un cône de hache. Tu es, tu es, tu es. Oh, tu es, tu es, tu es des rats.